Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Sorcières, une série de Céline Duchesnay, réalisée par Laurent Bolleret. Au départ de cette série, il y a une documentariste qui fréquente des vraies sorcières. Le plaisir de jouer avec le mot et l'idée de la sorcière comme femme puissante, ou l'édron anécrochu, et des foules d'images fascinantes ou de contes à faire peur. Chaudron, manche à balai, sortilège, beauté vénéneuse, maléfice et démons au coin du bois. Mais surtout, depuis toujours, il y a des hommes qui ont peur des femmes savantes. Il y a donc aussi, pour commencer, ces femmes âgées, isolées, indépendantes, qui vivaient seules et soignaient le voisinage, de ces mémés à qui on ne la fait pas, à la langue bien pendue, et qu'on a voulu pousser hors du cadre. Mais aujourd'hui, les sorcières sont de retour. Alors pour commencer, les personnages. Une féministe et sa revue, une éditrice militante, une sorcière des champs qui cueille, une sorcière américaine écologiste, des plasticiennes magiciennes, des vieilles subversives et des sorcières en lutte à chapeau pointu. Ensuite le décor. Une armure en écorce de platane, des livres des chants, de l'élixir de violette, un rêve de faucon, du néopaganisme, une spiritualité féminine, de l'occultisme, de la magie et pas de baguette magique. Des danses, des personnages et des slogans scandés bien haut. Aujourd'hui, dernier épisode, on trie la bibliothèque. En 1975, Xavier Gautier, vous avez créé la revue Sorcière, une aventure littéraire et artistique qui va durer jusqu'en 1982. Pourquoi ce titre de sorcière ? Les sorcières, pour moi, ce sont des femmes rebelles, essentiellement, on va dire. J'étais proche à l'époque de Marguerite Duras et c'est elle qui avait attiré mon attention sur le texte de Michelet, La sorcière. Et elle me racontait que les sorcières, c'était des femmes seules dans la forêt parce que les maris étaient à la guerre du Seigneur, etc. Et qui parlaient aux arbres, aux animaux, qui développaient une intelligence avec la nature, avec tout, et qui avaient une puissance. Michelet dit, pendant 1000 ans, l'unique médecin du peuple fut la sorcière. Une puissance de guérison, un pouvoir de guérison, c'est-à-dire qu'elles étaient médecins, elles étaient sages-femmes et avorteuses aussi d'ailleurs, c'est-à-dire c'était elles qui présidaient à la vie et en somme aussi à la sexualité des femmes par l'intermédiaire de cette maîtrise de la fécondité. Quand j'ai créé la revue Sorcières, c'était encore un mouvement de femmes très important pour la liberté de l'avortement. La loi Veil date de 75, mais elle n'était votée qu'à titre provisoire. Et donc, il y avait encore énormément de mouvements de révolte contre l'ordre des médecins, contre l'Église avec un grand E. C'était l'Église catholique à l'époque qui était très forte. Et donc, j'ai fait un parallèle entre cette révolte des femmes de l'époque contemporaine et la force des sorcières qui a été annihilée dans l'histoire, c'est-à-dire on les a brûlées, comme on sait, bon, on les a torturées, on les a brûlées, pour que les médecins prennent le pouvoir. C'était un parallèle. Et cette fois, je me suis dit, ce mouvement de femmes ne va pas se laisser, on va pas se laisser brûler, écraser, on va être victorieuse. C'était ça, l'idée de départ. Il y a une grande double allée de platanes, une sorte de prairie au milieu. On connaît bien cet arbre parce que c'est l'arbre d'alignement par excellence qui borde les chemins, les routes, etc. Il est important parce qu'il est lié dans la mythologie grecque au premier médecin Hippocrate et Esculape, dont l'emblème était le caducée, qui était fait en bois de platane. Il incarne aussi la déesse mère de par sa grande feuille en forme de main qui est reliée à la main protectrice de la déesse. Et tous les ans, en été, je récolte son écorce pour fabriquer une armure. Voilà, donc là, j'en suis au masque et bien au haut du torse. Donc elle se construit petit à petit. Comme un objet rituel, comme un masque rituel. Voilà. Qui est lié pour moi à la protection et à une manière de me relier encore un peu plus à cette notion de soin, de se relier à ce principe de déesse mère. C'est aussi une belle métaphore sur la mutation parce que cette écorce, elle tombe en fait au sol et elle est un peu comme une peau de serpent. Voilà. Alors, le premier numéro, le thème était la nourriture. Et Léonore Fini m'avait fait un dessin original. Elle avait été enthousiasmée, elle aussi, à l'idée d'une revue sorcière. Il y a des sorcières, il y a des sphinges, beaucoup dans son œuvre. Et pour elle aussi, la sorcière, c'est la rebelle. Elle disait, c'est la rebelle, belle et savante. Donc, elle a dessiné cette sorcière du premier numéro, qui forme un S, le S de sorcière, à cheval sur son balai. Et quand j'ai parlé de cette image en présentant la revue sorcière, j'ai dit que cette sorcière sur son balai, c'était juste un détournement de son outil de travail et qu'elle ne se pliait à aucune loi, y compris les lois de la pesanteur, donc elle s'envole. Donc c'est une sorcière très légère. C'est une sorcière légère et c'est drôle parce que je pense maintenant qu'on se sentait légère. Il y avait dans cette sororité, il y avait cette notion qu'on était puissante, qu'on allait révolutionner le monde, et donc une légèreté puisqu'on pouvait. Voilà. Donc on n'était pas écrasé sous quelque indignité ou quelque malheur. Voilà. On s'envolait. Est-ce que vous pourriez nous le montrer, ce numéro, puisqu'on est dans votre bureau? Absolument. Alors. On va en prendre quelques-uns, là. Alors. Voilà, le S de sorcière dans ce dessin de Léonore Fini. Alors, en plus, elle est belle, elle est superbe, cette femme. Et c'est aussi pour battre en brèche l'idée de la sorcière au nez crochu et vieille et moche. Et voilà, donc, c'est une sorcière nouvelle, en quelque sorte. Hein. Voilà, c'est la vie. Les femmes vivent. Sorcière est une revue artistique, littéraire et politique. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur ce politique? Alors, il y avait différentes sortes de textes, il y avait tous les genres littéraires. Donc, à travers ces écrits, je pense qu'on voit se dessiner une critique de la société et un désir de transformation. Ça, c'est politique, pas politicien. Transformation de société, c'est forcément politique. Voilà. Et on espérait que l'écrit pouvait transformer quelque chose, que les femmes ne retiennent pas ce qu'elles ont à dire de différent, qu'elles n'essaient pas d'imiter, de parler, d'écrire absolument comme les hommes. Après tout, pour que le monde se transforme, c'est bien qu'elles apportent quelque chose de nouveau et de différent. C'est ce qu'espérait Rimbaud. C'était ça l'idée. Et je crois... J'ose espérer que ça a eu lieu, c'est-à-dire que les femmes ont peut-être plus de liberté. Il ne s'agissait pas d'anéantir le patriarcat ? Si, parce que effectivement, le patriarcat s'est formé sur l'exclusion des femmes, ce qu'on voit pour les sorcières, c'est-à-dire le fait qu'il faut que ce soit les hommes qui soient médecins, étudier dans les écoles avec un grand E d'une certaine façon, c'est quand même un pouvoir patriarcal qui relègue les femmes à la périphérie, qui les relègue, qui les condamne au silence, qui refoule le féminin en elles. Dire « je suis une femme, je suis fière de l'être », c'était ce qu'on disait quand même beaucoup, fière d'être des femmes. Et nous, ce qu'on disait, on peut être fière d'être des femmes sans être à la botte du patriarcat, justement. Regardez, on a des petites violettes avec son délicat parfum. Ça vous arrive de faire des élixirs de violette ? Élixirs, oui, sirop. Elle fait partie des plantes pectorales qui permettent d'apaiser la toux. Ça, c'est du cerfeuil sauvage. Il est déjà odorant. Il commence à pousser, donc là, c'est... Il est plein de saveurs. C'est du cerfeuil sauvage. Un beau bout de lichen. Je l'emporte avec moi, celui-là. Je collecte pas mal de plantes qui me servent ensuite pour faire des petits sachets, des petits rituels. Isabelle Cambourakis, en 2015, vous avez créé aux éditions Cambourakis une collection intitulée « Sorcières », avec comme première parution « Sorcières, sages-femmes et infirmières », un texte de 1973, et « Révèle obscur, femmes, magie et politique », un texte de 1982 de Starhawk, sorcière américaine, activiste et écoféministe. Pourquoi avoir choisi le titre de « Sorcières » ? Je crois que c'est le croisement de plusieurs raisons assez différentes. La première, c'était que j'avais envie de créer une collection qui s'inscrivait dans des réappropriations féministes de la figure de la sorcière telle qu'il y a pu en avoir dans le féminisme des années 70, donc dans le féminisme qu'on appelle de la seconde vague. Et donc, moi, ça m'intéressait justement de me réinscrire et de poursuivre un peu ce geste-là autour de la sorcière et autour d'une politisation féministe de la figure de la sorcière. La première raison, ensuite, j'avais envie que ce soit une collection populaire, pas une collection spécialement théorique ou universitaire. Et donc, je m'intéressais aussi à des formes donc plus populaires de la sorcière. Et c'est une figure qui circule beaucoup dans toutes les productions populaires, comme les séries, la littérature jeunesse, etc. Et donc, ça m'intéressait aussi de porter cette représentation-là de la sorcière. C'était aussi un moment où il y avait plusieurs artistes ou curatrices qui travaillaient sur la figure de la sorcière. Ça faisait plusieurs raisons pour reprendre à nouveau ce terme. Vous vous dites sorcière. Qu'est-ce que ça veut dire exactement être une sorcière ? Well, in English, the word is witch. En anglais, sorcière se dit witch. Witch is someone et ce terme désigne les adeptes des anciennes traditions pré-chrétiennes qui vouaient un culte à la terre, des religions païennes qui ont vu le jour en Europe, au Moyen-Orient et ailleurs. Le mot witch, lui, vient de la racine anglo-saxonne wick, qui signifie faire plier ou tordre. C'était donc quelqu'un qui pouvait changer votre destin, l'infléchir. Mais j'aime beaucoup le mot français, sorcière. Je le trouve très beau. Pour désigner une personne qui est en réalité une prêtresse ou un prêtre, parce que toutes les sorcières ne sont pas forcément des femmes. Les officiantes, ce que nous appelons l'ancienne religion. Starhawk, est-ce que vous êtes née sorcière ou est-ce que vous êtes devenue sorcière et comment ? Non, je suis née, j'ai été élevée dans la religion juive et c'est une tradition à laquelle je me sens encore très attachée. Mais à l'âge de 16-17 ans, c'était dans les années 60, Je cherchais quelque chose qui corresponde mieux à ma véritable expérience de la spiritualité. En fait, c'était le plus souvent en osmose avec la nature que je ressentais un lien profond avec le sacré, plutôt qu'à la synagogue. Puis j'ai rencontré des gens qui se présentaient comme des sorcières ou sorciers à l'occasion d'un projet de recherche pour un cours d'anthropologie. C'était ma première année d'université. Et ils m'ont parlé de l'ancienne religion, de la déesse. It just resonated very deeply. Et ça a vraiment fait écho en moi. J'adhérais complètement à tout ce qu'ils disaient. C'était ce en quoi j'avais toujours cru intuitivement, que la nature est sacrée, la terre est sacrée. Nous tous, les êtres humains, sont autant de manifestations du divin. Donc, depuis que j'ai commencé à étudier, à apprendre avec eux, eh bien, je me vis comme une sorcière. Un des éléments essentiels aussi pour vous est cette place prépondérante que vous accordez à la nature. Tout se fait avec et pour et autour de la nature ? Oui, la nature est en effet au cœur de notre mouvement, mais nous ne séparons pas les êtres humains de la nature, ils en font partie intégrante. Nous disons donc que la déesse est immanente au monde, elle est immanente chez les humains, comme dans les arbres, les fleurs, les rochers, les étoiles. Est-ce que c'est pour ça que votre nom de sorcière, Starhawk, associe l'étoile à un rapace, le faucon, Hawk? C'est pour ça que vous avez choisi ce nom-là? Oui, j'ai pris ce nom, c'est la tradition. Vous savez, on se choisit un nom quand on est initié comme sorcière. Et en prenant ce nom, en fait, je ne savais pas que j'allais l'adopter et l'utiliser pour tout. Mais plus tard, quand j'ai commencé à écrire des livres et à les publier, ben, j'ai dû faire un choix entre mes deux noms. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce nom? Ça, c'est parce que j'ai fait un rêve. Il y avait un faucon dans mon rêve. Et c'était un faucon qui se transformait en une vieille femme sage. Et j'avais l'impression d'être sous sa protection. Le faucon représente la vision et l'air et la capacité de voir loin. Isabelle Kambourakis, Starhawk fait partie d'un mouvement spirituel néo-païen appelé Wicca. Pourriez-vous nous dire ce que c'est ? La Wicca, c'est né exactement en Angleterre dans les années 50, autour d'un personnage qui s'appelle Gardner et qui redonne une place importante à des pratiques de rituels, au paganisme évidemment, donc c'est une forme de néo-paganisme. Et donc à l'intérieur de la Wicca, il y a plusieurs branches complexes avec des branches qui sont plus ou moins formelles autour des rituels et d'autres qui sont plus souples. La wiccadianique en tout cas, donc cette Wicca auquel appartient Starhawk, c'est une Wicca profondément féministe qui au départ était même simplement pratiquée entre femmes et beaucoup aussi dans le milieu lesbien états-unien et puis ensuite qui s'est développée à partir donc de San Francisco notamment et d'une figure qui s'appelait Susanna Budapest et qui donc a inventé entre guillemets la Wicca dianique. Dianique comme Diane. C'est ça. La Wicca dianique, contrairement peut-être à d'autres Wicca qui est plus sur la binarité en fait, sur le fait qu'il y ait la déesse d'un côté mais aussi un dieu mâle, la Wicca dianique, elle s'intéresse essentiellement à la goddesse, à la déesse, et imagine, invente, toujours ancrée dans un point de vue très féministe, des religions pré-monothéistes autour de la figure de la déesse mère, et qui est une façon de redonner de la puissance et de repenser aussi complètement les spiritualités autour des femmes et non plus autour des hommes, comme c'est le cas des trois quarts des traditions spirituelles et des monothéismes en particulier. Alors on On est au bord d'un petit ruisseau, près d'une petite cascade et sous une aubépine. C'est un lieu où j'aime bien venir après chaque cueillette, parce que c'est important pour moi de remercier quelque part le fruit de cette cueillette en apportant une sorte d'offrande. Là, le lieu est important aussi parce que je suis très attachée à l'eau. Et symboliquement, l'aubépine est forte aussi. Donc son nom en latin s'appelle Crataegus monogyna ou Laevigata, ça dépend des espèces. Et ça vient du grec krataigos qui veut dire force. D'un point de vue médicinal, l'aubépine elle est assez curieuse parce que ses fleurs et ses feuilles ont des propriétés inverses qui, au final, créent une sorte d'équilibre. Les fleurs sont plutôt calmantes du stress, elles apaisent les palpitations cardiaques, elles peuvent être aussi sédatives, alors que les feuilles sont plutôt tonicardiaques. Du coup, il y a un côté hypertenseur et hypotenseur, une espèce d'équilibre entre les deux. Peut-être qu'elle est reliée aux sorcières aussi pour ça, c'est-à-dire que c'est un point d'équilibre au niveau du cœur qui permet de s'épanouir d'une part, mais aussi d'être ouvert au langage du monde. Et puis dans sa symbolique magique, elle est aussi associée un peu comme les deux aspects hypotenseur, hypertenseur, à la fertilité et à la chasteté en même temps. Un point d'équilibre peut-être entre l'ombre et la lumière, entre toute cette dualité dont il faut arriver à sortir parce qu'elle est stérile, en arrivant à trouver cette zone du milieu. Ce passage, ce fameux pont qui est relié aux pratiques qui permettent de voyager à travers les mondes. En fait, il y a deux sortes de lumières. Il y a la lumière du sol et la lumière du soleil. La lumière du sol, elle est puisée dans les minéraux qui étaient d'anciennes étoiles. Et la lumière du soleil, elle est attrapée en quelque sorte par la plante grâce à la photosynthèse. Et la plante, qui est ce troisième, cet intermédiaire, quelque part cette sorcière, ne peut pas exister sans ces deux aspects, sans l'ombre et la lumière. Enfin, la lumière du sol et la lumière du soleil. Être sorcière, donc, c'est être intermédiaire. Oui, complètement. C'est ça. Est-ce que vous pourriez être cet intermédiaire ? J'aspire à l'être, je prétends pas l'être. Mais c'est une voie qui fait du bien, qui permet de changer, qui permet de comprendre une autre manière de parler, d'acquérir un autre langage, qui permet aussi d'être plus présent dans le monde, de le voir d'une autre manière et d'agir d'une autre manière. Pour moi, qui crois en une spiritualité selon laquelle la nature est sacrée, la terre est sacrée, les êtres humains sont sacrés, eh bien cela veut dire que je ne peux pas rester assise à méditer pendant que des idiots détruisent le monde. Il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que vous faites comme type d'action, par exemple ? En ce moment, je travaille beaucoup dans le domaine de la permaculture. Là encore, parce que quand on croit que la Terre est sacrée, la permaculture, c'est un système de conception écologique. Et je pense que c'est une application pratique de cette idée selon laquelle la nature est sacrée. J'ai participé à des travaux sur le changement climatique, j'ai travaillé sur des questions environnementales et j'ai beaucoup milité autour de la mondialisation. Pour vous, spiritualité et politique sont-elles liées ? Yeah, so for example, in some of the eh bien oui. Ultramondialism. Par exemple, lors des luttes antimondialistes, les actions antimondialistes, ce qu'on essayait de faire, c'était d'amener des rituels et des cérémonies dans l'action même, qu'il n'y ait pas de séparation. Parce que les rituels sont un moyen de maintenir et de canaliser l'énergie. Et quand vous êtes au milieu d'une manifestation ou en pleine action, que ça chauffe un peu, eh bien, c'est très bien d'être avec des gens qui savent comment maintenir et canaliser une énergie. Donc oui, on pouvait littéralement monter sur les barricades et danser en tournoyant comme des derviches avec les bombes lacrymaux qui volaient au-dessus de nos têtes. Est-ce que le fait d'être sorcière signifie aussi utiliser de la magie? Yeah, we use magic. Oui, nous recourons à la magie. Et la définition de la magie que j'utilise toujours, elle me vient de Dion Fortune. C'était une occultiste du début du XXe siècle. Et elle disait, la magie, c'est l'art de modifier, quand on le veut, un état de conscience. Donc vous voyez, il ne s'agit pas simplement d'agiter une baguette magique comme dans Harry Potter, malheureusement. Mais en réalité, c'est une façon de travailler sur sa propre conscience, sa propre psychologie, de savoir dans quel état de conscience vous êtes et pouvoir faire des choix par rapport à ça. On peut dire que c'est un peu la forme occidentale du chamanisme. Isabelle Cambourakis, courant été 2017, vous étiez avec Starhawk sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. En quoi ont consisté ces interventions? Ce qu'elle a proposé et mis en place, c'est d'une part un workshop, un atelier de réflexion autour des pratiques collectives de type communautaire, militante, donc sur, notamment sur la gestion des conflits. Donc là, c'était un workshop militant, comme on expérimente dans plusieurs endroits. Et ensuite, elle a réalisé un rituel, donc collectif, avec toutes les personnes qui voulaient participer dans un des espaces de la ZAD, autour notamment de l'eau, de la présence de l'eau, puisque c'est une zone humide. Donc on avait fait un cercle, je sais pas, on était une cinquantaine, quelque chose comme ça. Donc on était quand même assez nombreux. Au centre de ce cercle, il y avait de l'eau dans une forme de bassine. Elle est arrivée déjà avec de l'eau qu'elle avait ramenée de plusieurs rituels. C'est-à-dire qu'elle prend de l'eau à chaque fois qu'elle va dans un espace et qu'elle récupère donc de l'eau de tel endroit, de l'eau du Gange, de l'eau de tel endroit au Mexique, etc. Et donc elle mélange cette eau-là. Et donc à chaque fois, elle a de l'eau qui a voyagé comme ça d'endroit en endroit. Et ensuite, elle fait un rituel en disant des mots dont je me souviens absolument plus. Et ensuite, il y a toute une partie qui est très sur l'expression du corps, où on peut danser comme on a envie de danser autour de cette eau. Et puis, elle a commencé à mener une danse spirale, qui est une danse qui est menée justement en wiccadianique et qu'elle réalise avec ses coven généralement dans les espaces militants dans lesquels elle est, qui est une danse en forme de spirale où tout le monde chante en même temps. Et donc il y a quelque chose de très collectif en fait qui se met en place. C'est aussi un moment où les gens se regardent dans les yeux, donc il se passe beaucoup de choses. Et c'est vrai que collectivement il s'est passé quelque chose d'assez fort à ce moment-là et qu'on était tous heureux de participer de façon un peu amateur, hein, parce que personne ne pratiquait la Wicca dianique sur la ZAD. C'était accessible à tout le monde. Donc c'était créer des moments de connexion avec l'environnement, un sentiment d'attachement à cet espace. Personnages. Alors là, on ne voit plus que les feuilles. Hein. Les fleurs sont retournées à la terre. Et tout ça, voilà, ça fait un beau tapis blanc. Là, par exemple, si je prends juste cette partie, voilà, ça ça c'est un personnage, il y a deux feuilles longues. Et au milieu, il y a une grande tige un peu plus longue que les feuilles. Et la fleur est un peu pendante comme ça, comme un lampadaire. C'est des fleurs solitaires, mais regroupées très serrées. Pourquoi est-ce que le personnage est une fleur importante pour vous ? C'est la fleur qui m'a permis de prendre conscience de tout ce qu'on peut prendre en considération dans l'étude de la nature. Et quelque part, c'est elle qui m'a emmenée vers une forme de magie. D'abord, symboliquement, dans les fêtes païennes, elle a une importance forte. Elle est associée à la fête d'Imbolc, qui veut dire « in milk », dans le lait, qui est liée à l'apparition la naissance des veaux, donc de l'allaitement. Et d'ailleurs, le personnage s'appelle en latin « Galanthus nivalis », qui veut dire « goutte de lait ». Pourquoi est-ce que c'est cette fleur qui vous a mis sur le chemin de la magie ? Quand on regarde la composition de ses pétales, de ses sépales, le moment de l'année où elle pousse, ses propriétés médicinales, ça permet de comprendre en fait que tout est lié. Par exemple, elle est dans sa forme, elle est très particulière parce que c'est comme trois triangles insérés les uns dans les autres. Il y a d'abord les sépales, c'est-à-dire souvent les sépales c'est comme des petites feuilles vertes qui entourent la fleur. Elles ressemblent plus à des pétales. Donc on a l'impression d'avoir un triangle blanc qui sont ses sépales, à l'intérieur un autre triangle inversé qui sont les pétales avec des petites rayures vertes et encore à l'intérieur un autre triangle qui est composé des organes reproducteurs en fait de la plante jaune. Voilà, donc ce sont trois triangles qui s'insèrent. Et ça dans la magie, dans la symbolique des nombres, etc., ça a une force particulière qui est liée à la stabilité de la matière. Par exemple, quand on regarde un tas de sable ou un tas de pierres, c'est toujours agencé en triangle. Ça fait référence aussi à l'esprit et à la matière reliée par un intercesseur qu'on peut appeler troisième terme ou pont, qui est souvent d'ailleurs la figure du sorcier, du chaman, de la sorcière, ou de la personne qui est intercesseur entre l'esprit et la matière. Sa corolle se dirige vers le sol et pas vers le soleil. Elle peut faire penser à une sorte de lampadaire qui vient éclairer le sol, les ténèbres. Elle sort de l'hiver et elle vient éclairer toute cette matière sombre. Et on peut faire le parallèle en nous-mêmes, d'éclairer sa terre intérieure, d'arriver à cette sorte d'épanouissement du réveil, de la germination des graines qui sont enfouies par le soleil. Elle accompagne en fait ce moment de transition, de changement au niveau de la saison. Et d'ailleurs, on peut faire des parallèles, des analogies entre la saison, sa forme, la planète à laquelle elle est associée, le signe auquel elle est associée. C'est un moment où elle commence à sortir à peu près vers le 20 janvier. Et c'est aussi le mois du Verseau. C'est assez frappant parce que le Verseau, c'est un caractère qui est plutôt tourné vers le futur, vers l'espoir. C'est aussi l'image que renvoie le personnage qui apporte le renouveau, la sortie de l'hiver. Qu'est-ce que vous faites, Christelle Hainaut, avec les personnages ? Vous les cueillez ? Pour en faire quoi ? Alors, j'en fais un élixir. Un élixir, c'est une sorte de remède, de potion. Bon, là, on peut l'appeler comme on veut. C'est une macération qu'on appelle solaire des fleurs dans de l'eau et de l'alcool. Donc on vient chercher les énergies, les vibrations de la plante qu'on cristallise dans l'eau et qu'on utilise pour équilibrer plus la sphère émotionnelle. Il y a une théorie de la répartition en trois parties de la plante et de l'homme où la racine est liée à la tête, les feuilles sont plus liées au système circulatoire, au système organique, et la fleur plutôt liée au système digestif et des organes de reproduction. Et donc, ce bulbe, cette racine, elle contient une molécule qui s'appelle la galantamine, qui est utilisée pour des remèdes permettant à la maladie d'Alzheimer d'être adoucie dans ses symptômes, de retarder les effets de troubles de la mémoire. C'est éclairer quelque part cette mémoire enfouie de l'hiver, là, lui permettre de trouver la lumière et de rester en lien avec la réalité. Camille Dusselier, vous êtes plasticienne et réalisatrice. Et en 2011, vous avez sorti un livre intitulé « Le guide pratique du féminisme divinatoire ». Quand est-ce que vous avez croisé sur votre chemin les sorcières ? Alors, j'ai commencé à m'intéresser aux sorcières en 2008-2009. À ce moment-là, j'avais assez peu entendu parler en fait, de sorcières. Mais un petit peu dans ma famille, parce que j'ai une arrière-grand-mère qui était guérisseuse. Et ou charlatane, je ne sais pas tellement parce que son destin était un peu mystérieux. Mais en tout cas, j'avais bien entendu un terme péjoratif pour la qualifier. Et puis après, j'avais vu quand même la revue Sorcière. Ma mère est féministe, elle avait ces ouvrages-là chez elle. Donc j'avais quand même déjà des petits indices que ce terme-là pouvait être décalé ou n'est pas uniquement une insulte. Et puis après, j'ai eu une période de ma vie où j'étais vraiment un peu partagée, cloisonnée entre deux mondes qui m'intéressaient. Un monde plutôt féministe, politique, avec des réunions, avec des actions, avec des manifestations. Puis un monde plutôt spirituel dans lequel je naviguais à travers des stages en méditation, en tantra, en voyage astral, à la quête des arts divinatoires. Et ces deux mondes ne se rencontraient pas du tout. Et c'était un peu pour moi source, non pas de grande souffrance, faut pas exagérer, mais en tout cas de tiraillement, de conflit intérieur. Et la figure de la sorcière m'est apparue à ce moment-là comme un trait d'union et une figure qui pouvait un peu rassembler différentes parties de moi parsemées, éclatées. Et je me suis lancée dans cette quête et cette enquête de chercher des femmes qui se définissent sorcières aujourd'hui, en me demandant, mais quelles sont ces femmes, ces sorcières d'aujourd'hui? Quelles sont leurs pratiques? Qu'est-ce que c'est un acte de sorcière? Et voilà comment je les ai rencontrées. J'ai fait ce film « Sorcières, mes sœurs ». Alors, est-ce que vous-même, Camille Dusselier, vous êtes sorcière? Oui, je suis sorcière. Et je devrais plutôt dire « je deviens sorcière » ou j'aime bien dire que je deviens sorcière, comme je deviens féministe de plus en plus à travers mes expériences, mes lectures. Donc mon point de vue n'est pas figé comme ça, immuable. Comment ça se voit qu'on est sorcière? C'est difficile à dire. Ça se voit pas, justement, il n'y a pas la marque du diable sur mon corps. C'est pas une question qui se voit nécessairement. Bien qu'il y ait des corps qui peuvent être tellement hors normes dans une société qui pourraient être qualifiés de sorciers, de sorcières. Des corps transgenres, je pense à des corps queer, je pense à des corps amputés, à des corps hors normes. Je pense qu'à partir du moment où on a une démarche qui est un peu hors cadre, hors normes, on touche aux marges et on peut être qualifié à ce titre de sorcière, ou on peut se ressentir soi-même sorcière. Donc ça peut aller dans les deux sens. Mama Luna, Viracocha. Mama Luna, Viracocha. Il y a aussi Christelle Hainaut, la pervenche, qui est une plante dite sorcière. Qu'a-t-elle de particulier? Elle reste verte tout l'hier, un peu comme le lierre, le gui. Elle fait partie de ces plantes qu'on appelle sempervirens, qui veut dire toujours vert. Et en ça, elle a quelque chose de magique, puisque elle ne perd pas quelque part sa vitalité, sa force, à travers le passage métaphorique des ténèbres par l'hiver. Elle se reproduit en partie par ce qu'on appelle des stolons, qui sont un enracinement avec sa tige en fait, qui vient se replanter dans la terre et elle se reproduit par elle-même. Voilà. Et ça crée comme un réseau de cordes, et d'ailleurs elle est associée en magie au lien. Alors pourquoi sorcière ? sorcière parce que justement elle a cette force de traverser le monde sombre, l'hiver, les ténèbres. Elle est aussi liée à la mémoire, elle pousse souvent sur des lieux qui autrefois ont été cultivés. Donc elle est associée à une plante de mémoire, toujours dans cette idée d'analogie. Ces pétales, on a l'impression qu'elles tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et c'est aussi une plante qui est utilisée pour traiter Alzheimer. On n'a pas parlé jusqu'à présent, Christelle Hainaut, de votre pratique artistique. Vous êtes artiste aussi. En quoi la magie, en quoi la connaissance que vous avez de la nature peut se mêler à votre pratique artistique ? Donc ma volonté, après être allée dans ces profondeurs personnelles, c'était vraiment d'arriver à transmettre une vibration énergétique, magique, à travers mon travail. Ça se cristallise dans des dessins, dans des objets votifs ou des talismans, des ex-voto. Et c'est vraiment une volonté à moitié artistique et thérapeutique. Les deux sont liés. Les deux sont liés, oui. Elle a été dans un premier temps pour moi et puis j'en ai eu assez de parler de moi. Maintenant, j'ai envie de parler de quelque chose de plus grand. Vous collectez, entre guillemets, des témoignages de femmes sorcières. Alors, les sorcières que vous avez été amenées à rencontrer, est-ce qu'elles se ressemblent toutes ? Comment est-ce qu'on pourrait les décrire ? Ce qu'il y a de commun, c'est quand même cette originalité, cette subversion qui n'est pas une subversion artificielle, dans le sens où ce ne sont pas des femmes ou des personnes qui ont souhaité être subversives. Mais ce sont des personnes qui, de par leur chemin, de par leur corps, de par leur identité, de par leur parole, sont dans cette société, donc pas en France, sont sorcières. Alors ça peut être par des pratiques ésotériques. Moi par exemple, je me suis beaucoup intéressée aux sorties de corps, au voyage astral. Et je pense que je m'y suis intéressée aussi parce que la représentation des sorcières dans l'histoire est souvent accompagnée d'un balai et d'un envol. Et ça m'intéressait de savoir les personnes qui justement décrivent des envols aujourd'hui. Ça peut être des personnes qui, tout simplement, une pratique divinatoire, qui utilisent le pendule, les cartes, l'astrologie, des rebouteuses, des femmes qui sont féministes. Je pense à Thérèse Claire, par exemple, qui était une femme qui a monté des maisons de retraite autogérées par des vieux et des vieilles, les maisons des Baba Yaga, et qui voulait qu'on reste subversif et qu'on reste politisé et attention à notre devenir, même quand on est vieux et vieille. La notion d'ailleurs de soins et de care me paraît très très très importante par rapport à la figure de la sorcière. Je pense que prendre soin de soi, prendre soin des corps, prendre soin des vieux et des vieilles, ça fait partie de ma manière de me considérer sorcière. Comment est-ce que vous voyez aujourd'hui, en 2018, le fait qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se revendiquent sorcières ? En tout cas, on l'entend beaucoup plus en 2018 qu'en 2011, en effet, quand vous avez écrit votre livre. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui font qu'aujourd'hui, il y a une résurgence comme ça de cette figure. Il y a d'une part l'importance de l'écologie, je pense, dans l'actualité. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus aiguisé sur l'écoféminisme et sur l'écologie, donc sur la manière à la fois dont le patriarcat oppresse les femmes et la manière dont le capitalisme et le patriarcat détruit la planète. Le fait de faire des parallèles et de comprendre ces deux systèmes d'oppression ensemble, ça nous permet quand même de reconnecter, je pense, à la figure de la sorcière comme figure de résistance. Et puis, en fait, on connaissait pas bien l'écoféminisme non plus. C'est ces dernières années, avec les éditions Cambourakis, qu'on a pu un peu s'ouvrir à des textes d'afroféministes, d'écoféminisme, féministes, de féministes américaines, dont on ignorait totalement les travaux. Donc je pense que la traduction de ces ouvrages a permis à toute une jeune génération d'universitaires et de militantes de s'emparer de ces textes et de se reconnecter à cette figure. Peut-être aussi qu'on en a fait le tour en France de notre approche rationaliste, cartésienne. On est vraiment très très attentive à ce que la science va dire sur nos corps, sur nos vies. On s'accroche à ça. Et je pense que petit à petit, on est en train de se rendre compte qu'il y a autre chose et que ce système de pensée, qui est finalement assez restreint à l'Occident, n'est pas du tout partagé par d'autres cultures et qui est un système de pensée très binaire et assez limitant. Et on a tendance à se cantonner, à croire, pas croire, jour, nuit, blanc, noir, homme, femme, etc. Et là, avec les mouvements queer aussi, qui ont apporté cette idée qu'on est plutôt des nuances de quelque chose, on est plutôt pris dans un continuum et non pas dans des choses très figées et binaires, je pense que ça nous a aidé aussi à nous dire qu'on pouvait voir les mondes invisibles aussi dans ce prisme-là, et pas uniquement les genres. Nous sommes des sorcières féministes, anarchistes, inclusives, intersectionnelles, contre les oppressions systémiques. Nous sommes antiracistes, antifascistes, anticapitalistes, antivalidistes, pro-travailleuses du sexe. Nous luttons pour les droits de toutes les femmes, cis ou trans, des personnes LGBTQI+, des personnes racisées. Nous luttons pour les droits de toutes et notre groupe est anonyme et en non-mixité. Vous êtes membre du Witch Block X Marseille. Est-ce que vous pourriez nous dire depuis quand ce groupe existe ? Alors, le groupe est très très récent. Il s'est créé en 2017 aux alentours d'octobre. Et ça a été un peu en s'inspirant et en répondant à tout ce qui s'est passé à Paris avec le Witch Block de Paname. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Paris avec le Witch Block de Paname ? On a commencé à voir apparaître des groupes de sorcières dans les manifestations avec des pancartes assez punchy et en même temps très très drôles. Et je pense que ça a pas mal surpris les gens et je pense que ça a inspiré énormément de femmes dans le reste de la France qui se sentaient proches de ce type de performance et de manifestations-là politiques. Et à Marseille, vous êtes, enfin à Aix-Marseille, vous êtes combien de personnes ? Alors, c'est assez, ça varie assez, mais je dirais qu'on est une dizaine en tout, quoi, à peu près. Voilà. Quels sont vos moyens politiques d'action ? Les moyens visibles sont nos apparitions en manifestation, et donc on peut appeler ça une sorte de performance. Après, nous avons d'autres moyens de lutte, mais qui sont anonymes et qui sont personnels. Donc voilà, quoi, ça consiste surtout à montrer qu'on est capable d'avoir un autre type de revendication en manifestation, qu'on n'est pas obligé de faire partie forcément ni des syndicats, ni des partis politiques qu'on nous impose, entre guillemets, ou qui existent déjà, et qu'il y a d'autres moyens de lutter, quoi. Ce principe des manifestations, comment est-ce que vous pourriez le décrire ? Est-ce que, comme par exemple pour les filles de Paris, donc le Witch Block Paname, est-ce que vous avez une tenue particulière ? Oui, alors... En fait, c'est quand même librement inspiré, entre guillemets, mais on va dire qu'on fait un parallèle avec le Black Bloc, quoi. Donc, c'est les groupes en manifestation qui s'habillent complètement en noir et qui cachent leur visage et qui sont, enfin, on peut dire que c'est des anarchistes radicaux. Il y a des personnes qui peuvent avoir envie de lutter de cette façon-là, mais le virilisme, en fait, qui règne dans ces groupes-là n'est pas forcément au goût de toutes. Et on peut se sentir vite exclu de ce genre de groupe, même si on a envie de lutter de la même façon, quoi. Pas forcément avec la même violence, pas forcément avec les mêmes moyens, mais en tout cas, le fait de s'habiller complètement en noir et d'être complètement caché, en fait, d'avoir le visage caché, et enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est important pour nous, quoi. Donc par rapport aux manifestations et comment on se présente en manifestation, oui, effectivement, il y a une tenue. Donc l'anonymat est important, d'où le chapeau et le voile pour pas qu'on voit notre visage. Et voilà. Et le chapeau, c'est le chapeau pointu, tel qu'on peut voir sur certaines sorcières, en tout cas les sorcières américaines. Oui, oui, oui, c'est ça. Bah, c'est la tenue type de la sorcière, ou en tout cas du cliché de la sorcière que l'on s'en fait, quoi. Donc, cette partie politique, c'est agir lors de manifestations. Mmh. Quel message vous avez à transmettre à ce moment-là ? Eh ben, bon, après, ça dépend des manifestations, bien évidemment, de la thématique de chaque manifestation, mais nous essayons quand même de venir avec un message qui soit assez inclusif. C'est faire en sorte que les personnes qui se sentent exclues ou discriminées de certains mouvements puissent lutter avec nous. Donc, par exemple... les personnes transsexuelles. Nous avons une de nos pancartes au sein du Witch Block d'Aix-Marseille, c'est Fuck the System, avec donc 6 avec un C, donc qui vient donc de 6 genres. Donc ce sont les personnes qui ne sont pas transsexuelles, d'accord. Nous avons par exemple d'autres messages, bon, qui là, on ne parle plus d'inclusivité, mais une des pancartes les plus connues, ça a été Acabradabra, donc Acab qui veut dire donc All cops are bastards, donc tous les flics sont des bâtards, et donc faire le parallèle avec le mot connu en magie Abracadabra, voilà. Donc par rapport à la définition politique, enfin la ligne politique que je vous ai donnée, évidemment les manifestations qui nous intéressent sont tout d'abord les manifestations contre les réformes économiques au sein du gouvernement. Donc forcément on est contre le libéralisme et le capitalisme sauvage. Après bien évidemment toutes les manifestations qui concernent les droits des femmes et les droits des homosexuels et des personnes trans. Alors ce terme de sorcière est très important, il est dans le titre même de votre groupe, Witch Block. Qu'est-ce que ça veut dire être une sorcière au 21e siècle et dans ce type de groupe? On est plusieurs dans le groupe, donc cette définition-là va varier en fonction des personnes. Donc il y a des personnes au sein du groupe qui vont se définir en tant que sorcière juste comme un concept politique, donc parce que la sorcière représente la femme marginalisée, exclue de la société, qui n'a pas besoin ni de mari, ni de travail, ni d'etc. Donc c'est vraiment une sorte de personnalisation de l'anarchie, entre guillemets. Et puis après, il va y avoir aussi des filles qui sont quand même plus dans une lignée carrément de pratiques spirituelles et magiques. Donc après, encore une fois, cette pratique-là peut être très très variée. Donc nous allons avoir des personnes qui sont plus intéressées par une pratique païenne, occidentale, etc. Et puis il va y avoir aussi des personnes qui sont plus dans une lignée spirituelle, on va dire, un peu plus latino-américaine, etc. En fait, ça dépend des filles qui sont dans le groupe, quoi. Et pour vous, être sorcière, ça veut dire quoi? La sorcière, c'est la personne qui s'affranchit, en fait, de tout ce que l'on attend d'elle dans la société. Il y a aussi le côté, on va dire, occulte, de sciences occultes, etc. Et pour moi, le fait de s'affranchir de tout ce qu'on nous a appris, et au niveau des sciences, et au niveau de la spiritualité judéo-chrétienne, et d'utiliser son propre pouvoir pour recréer sa propre réalité, c'est très important. Emakume eskongaberean zabelantzua. Araldian dauden katuen marraka, gaizki erditurik ontzaren nile izikina. Auspo honek arroturro ditu infernuak dirutiren, zugarrak eta izeiko dira erratzen zorginak, ondar lodiko ondartzeran bainatzera. Entzun, entzun, pataretan erretzen ari direnen horroak arantzen. Voilà. Et ça, c'est une prière qui date de quand? C'est pas daté. Donc je pourrais pas vous dire quoi. C'est dans la langue, est-ce qu'on entend quelque chose d'ancien ou... Oui. Au niveau linguistique, c'est pas le basque que l'on parle aujourd'hui. Ouais. Une des grandes différences entre le monde anglo-saxon et le monde français, c'est le rapport au corps et le rapport à la parole. Pour moi, les sorcières, c'est revenir au corps, revenir à la danse, revenir au chant, revenir à la voix, au son. Et c'est sortir de forme de théorisation, de forme plus abstraite qui nous bloque un peu en France. Et moi-même, je suis la première à être bloquée là-dedans. C'est-à-dire qu'on est très dans le mental, dans théoriser les choses, et c'est parce que c'est devenu théorique que les Françaises peuvent maintenant s'y connecter. C'est parce qu'il y a des universitaires qui attestent qu'on peut faire quelque chose avec la figure de la sorcière que des personnes s'y peuvent s'y connecter. Mais non, en fait, c'est dans le corps que ça se passe. C'est pas dans la tête. Les sorcières, c'est pas un truc intellectuel. Ça s'adresse au corps des individus, à notre énergie. Et c'est pour ça qu'on est toujours plus près des sorcières quand on chante et quand on danse. Pas quand on en parle là, ici et maintenant. C'est quoi que j'ai tiré? Emotion. Sorcières, une série documentaire de Céline Duchesnay et Laurent Polleret, aujourd'hui sorcières, nature et féminisme, avec par ordre d'apparition Xavier Gauthier, Christelle Hainaut, Isabelle Cambourakis, Starhawk, Camille Ducellier et une sorcière du Witch Block d'Aix-Marseille. Extrait de Sorcières mes sœurs et de Sorcières Wicca, deux films de Camille Ducellier, prise de son Yann Frécy, mixage Alain Joubert. Merci à toutes les sorcières croisées, à Mona, ainsi qu'à la Semaine des Magies à Marseille. Des ottomanes, des femmes à barbe, toutes des mauvaises femmes, toutes des sorcières. Sorcières, Wicca, vieilles dames indignes, enchanteresses et jeunes énervées, LSD, la série documentaire s'est terminée pour cette semaine. Et pour entrer au Witch Block, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour un rituel ou nous réécouter en jetant des sorts, eh bien tout ça, c'est sur la page de l'émission sur le site de France Culture. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc.